Allons-y avec mon segment préféré, je pense. Voici les paroles des autres. Et on recule très très loin, voici la chanson thème de Vidon Ladon la question. Vidon Ladon la question. C'était la chanson thème de Vidon Ladon la question avec Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault qui était sur nos ondes, en fait, dans Assemblage requis même. Cette chronique-là qui était avec du nouveau matériel entre l'automne 2007 et l'hiver 2009. La chanson était El Cumbanchero de Xavier Cugat and his orchestra. C'était vraiment très très bon et c'était une émission d'humour, Vidon Ladon la question, d'humour trash, je qualifierais même. Donc, lisons sur le site de Mathieu Saint-Onge au matsaintonge.com. Vidon Ladon la question était le nom de l'émission de radio que j'ai animée avec Luc Archambault de 2005 à 2010. Nous disent-ils, évidemment, ça inclut de l'avant-radio et de l'après-radio universitaire. C'est démarqué du lot par des montages sonores sophistiqués et un humour absurde et caustique. Entre 2005 et 2008, l'émission a été produite dans les studios de Choc FM, Radio Web de l'UQAM, ainsi qu'à CISM 89.3. Elle a été peu à peu rediffusée sur 13 autres stations dans la francophonie, dont 3 radios en Europe, et évidemment, on inclut C'est fou. Une cinquantaine de capsules et chroniques ont ensuite été enregistrées pour les émissions Vous êtes ici, La tête ailleurs et Programme libre à Vancouver, diffusé à la première chaîne de Radio-Canada. Ils ont aussi réalisé l'audio guide de l'UQAM. Du matériel a aussi été produit à la demande de la radio Énergie, mais jamais été diffusé. Donc, c'est pour ça qu'on peut continuer d'en parler. Ils ont été nommés au Gala des Oliviers dans la catégorie Meilleure capsule humoristique à la radio et Meilleure émission de radio en 2008 et 2009. Allez entendre des capsules de Vidon à la question sur le site de Mathieu Saint-Onge, matstonge.com. Dans la section radio, il y a plein de chroniques vraiment très, très, très, très drôles. On a diffusé ça à redondance extrême, genre 3, 4, 5 fois chaque capsule dans le temps, parce qu'ils en produisaient plus énormément vers la fin. Donc, on rebroutait le même matériel jusqu'à temps qu'à un moment donné, on décidait d'abandonner un petit peu. C'est très comme ça. Voilà pour la chronique et les paroles des autres. On fait jouer une chanson dans l'univers Mathieu Plante, que ce soit une chronique, une émission, que ce soit connexe à moi ou pas.